Salut les cailloux, alors du coup pour compléter un petit peu les infos sur les exilés, je vais vous lire un article que j'ai trouvé sur Indymedia mais qui à la base est publié sur la page Facebook du CRAN, c'est le comité de réquisition et d'action nantais, et qui parle un petit peu du fichage et de la traque des exilés parce que bientôt une nouvelle étape risque d'être franchie. Donc commençons par un rappel. Ce gouvernement a été élu sur la promesse d'être un rempart face à l'extrême droite. C'est pourtant lui qui a fait voter la loi Asile et Immigration. Alors là, ils disent légalisant la détention d'enfants en centre de rétention, mais en fait, c'était quand même déjà légal depuis un petit moment. Bref, c'est également lui qui a mis en application la circulaire Collomb, un pas de plus vers la surveillance généralisée des exilés. Cette circulaire permet aux agents-agentes de la préfecture et à l'OFI, qui est l'Office française pour l'immigration et l'intégration, de se rendre au sein des hébergements d'urgence pour recenser les personnes selon leur situation administrative, transformant ainsi des lieux d'accueil inconditionnel en lieux d'identification et de tri. Il semble que cette circulaire ne se soit pas assez révélée efficace pour la machine à expulser qui, du coup, compte aller plus loin. Ainsi, une nouvelle étape en préparation a été révélée hier par Le Monde. Les services du 115 devront mensuellement communiquer l'identité des passeports, des personnes, pardon, hébergées et l'endroit où les trouver. Au-delà d'une dérive autoritaire générale dans ce pays, qui vise à toujours plus contrôler les enfer et enfermer, pardon, l'État mise probablement sur le fait qu'une partie des concernés, par crainte de voir débarquer la police, cessera de faire appel au 115. Quant aux personnes demandeuses d'asile bénéficiant de l'ADA, donc c'est une aide en fait pour les demandeurs d'asile, c'est-à-dire que tu déposes ta demande d'asile, normalement l'État en fait est censé te loger et te file juste de quoi acheter à bouffer puisque tu n'as pas le droit de travailler et que tu es en attente d'une réponse de la part de cet État. Hein. Donc c'est logique en fait qu'il te donne juste de quoi survivre, une maison, enfin un toit et de quoi acheter de la bouffe. Mais du coup cette allocation de l'ADA qui est assez ridicule, eh ben, il sera possible bientôt de la supprimer, au moins en partie, au motif que les personnes qui en bénéficient seraient genre occasionnellement hébergées. Donc maintenant, finalement, si t'as un toit, ce que normalement l'État est censé te garantir en attente de ta réponse, eh ben là, tu vas plus avoir que la moitié de ce qu'ils te donnent d'habitude pour manger. C'est tout à fait logique. Voilà. Les intérêts donc sont nombreux pour le gouvernement. Il pourra tricher sur les chiffres et laisser croire à une baisse de la saturation des services d'hébergement d'urgence. Bah oui, si les gens font plus appel au 115, il y aura peut-être un peu moins de surcharge, même si la surcharge, elle est, je pense, déjà à 200%, mais c'est pas grave. Gain économique, évidemment, hein, forcément, si on baisse les allocations, c'est super, alors que c'est déjà des chiffres ridicules, mais bon, c'est pas grave. Facilitation du travail de la machine à expulser, bien sûr. Mais c'est aussi la possibilité d'imposer dans les imaginaires sa toute-puissance, celle qui permet de contrôler des corps. Ne doutons pas que si nous laissons passer ce projet, de nouvelles lois toujours plus abjectes viendront le compléter. Et du coup, en complément de cet article qui a été publié donc par le CRAN, il y a un lien vers l'article, un article du Monde. Du coup, voilà, si vous avez envie de compléter l'info, vous pouvez toujours aller voir sur Le Monde cette nouvelle loi ou circulaire là en préparation, bon, qui pue toujours autant et qui sera sûrement pas la dernière malheureusement. Voilà, peut-être on met un peu de musique. Siéger le ciel, acheter les étoiles, gaspiller le sol et spéculer sur son système vagal. Que depuis la DSL, qu'on s'enfile en intravénal, on est tous un peu immortels sur le réseau mondial. Je m'en kébarre dans cette foule camouflage ordinaire. Je nique vos caméras boules et ces clébards GPSR devant les garde-fous vus du bas des buildings. Les gargouillages des nerfs fous et font clinquer leur chin-chin. Il faudrait quoi que ça me déclenche ces mêmes désirs disciplinés de grimper bon gré la hanche d'un édifice mal fixé. Mais c'est trop loin le sommet, mes bœufs fatiguent déjà. Même quand je leur promets. promet qu'après c'est le nirvana. Elles m'ont dit ce projet, Billy c'est pas pour toi. T'as pas le bon ticket, t'es pas dans ce wagon là. C'est l'attraction terrestre qui te cloue au plancher. Ta ration par trimestre, de raison en tranchée. Faut pas que je me défenestre, une fois que je serai débranché. Sur les restes de ces rengaines bien pliées dans mon grenier. J'sais que devant toi, tiens-toi debout, j'te lâche la main dans l'escalier. Laisse être en barre, lâche ton trois roues, je veux te voir crôler jusqu'à la bouée. Fais-moi tanguer ce bazar, où c'est que t'as vu bordel. Que dans les salles d'histoire, on descend en rappel. Le vide n'est jamais loin, si l'attaque option étanche, il gangrène par le coin. Sois le pilote de ta page blanche, j'écrirai dans la marge. Même quand tu auras plus de papier, t'inquiète qu'il m'en reste des passes de barge à te faire siroter. Si jamais je me perds le top, ce serait que j'ai pas pied. Là t'sais pas si c'est trop haut, ça peut me donner envie de sauter. Haute voltige, grande déluge, déluré en délire. Je veux du vertige, faut que ça dure, que ça frise et fustige le pire. Déjouer le cours des choses en rafale de piston, ce sera au moins grandiose. Ça vaut pas le coup sinon, faut que ça me torgnole en bon branquignol. Façon grand guignol, que ça gondole quand ça décolle et que ça me colle comme la fat école. Et puis je m'emballe et je perds les pédales. Je cale où mes freins font la malle et ça dévale à balle avant de faire mal. Ma plume se contracte, je me tétanise en plein envol. Sonner l'entraxe, c'est quand le sol y avait un pacte avant que je déconne. Panne de courant dans l'ascenseur, le commandant est déserteur. Rappelé par le couche de sapeur, dictateur de l'interrupteur. Il est tombé dans le trou de son self-made merde. Mais le petit coup de grisou, c'est le risque du métier. L'ennui pris sur le vif, aboyé aux éclats. Comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. Ça peut me donner envie de sauter. L'ennui pris sur le vif, aboyé aux éclats. Comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. Le marasme se démarque en marécage. Je démarre au quart de ton passe-passe. À marée au barreau de ma cage. Adage de ramage et plumage. Un m'adoué pas dans leur sillage. Ni mon panache ni son tapage. Quand ils paradent dans les parages. Paré au décollage. Les hélices s'affûtent. On fait son bricolage. On compte les minutes. Si si je crois que j'ai capté le message. L'important c'est que ça bute. Je l'ai déjà foiré l'atterrissage. Laisse-moi kiffer la chute. Chute. On est toujours sur Radio Cayenne. On voulait vous préciser, on a parlé de l'ADA, l'allocation demandeur d'asile, et du coup on voulait préciser les montants pour que tout le monde ait bien en tête ce avec quoi le gouvernement pense que c'est possible de vivre quand on est demandeur d'asile. Donc l'allocation de demandeur d'asile, évidemment, elle est versée qu'aux personnes qui ont commencé les démarches de demande d'asile. Et elle commence dans un délai de 21 jours maximum après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans les faits, 21 jours, c'est plutôt minimum. Du coup, cette allocation, en fait, elle est de 6,80 € par jour pour une personne seule. 6,80 € par jour, en fait, ça fait 204 € par mois pour vivre pour une personne seule. Du coup, pour manger... pour s'habiller et puis subvenir à ses besoins, mais aussi à ses éventuelles envies, hein, même si avec 204 € on imagine qu'on n'a plus beaucoup d'envie, en tout cas plus beaucoup d'envie qui suppose d'avoir des thunes. Cette allocation, elle peut être complétée par une allocation pour le logement quand l'État ne se soumet pas à son obligation de loger les personnes demandeuses d'asile. Cette allocation, du coup, elle est de 222 €, 7,40 € par jour, 222 € par mois. Et du coup, en tout, si vous avez compté, ça fait 426 € pour moins qu'un RSA, pour pouvoir manger, se loger, etc. Et avec ça, il n'y a pas d'APL en plus, hein, c'est... le maximum. Sachant que quand on est demandeur d'asile, bah, c'est pas très facile d'avoir un logement. Du coup, plutôt le logement, ça va être d'aller à l'hôtel, par exemple. Et bah, si vous arrivez à trouver un hôtel à 7,40 € la nuit, du côté de Nantes, par exemple, ou des grandes villes, parce que bah, évidemment, les personnes, c'est plus facile pour elles d'habiter dans les grandes villes pour pouvoir faire les démarches administratives, aller avoir des soins pour les personnes qui ont besoin d'aller voir les médecins, etc. Et ben, 7,40 € par jour, c'est pas suffisant pour se loger et pour manger et pour plein d'autres trucs, quoi. Enfin, c'est suffisant pour rien du tout. Quand on est deux personnes, cette allocation de demandeur d'asile, elle n'est pas majorée, elle est minorée. Quand on est deux personnes, on touche, pas chacun, hein, on touche en tout pour les deux personnes, 10,20 € par jour. Du coup, 10,20 € par jour, quand on est deux personnes, ça fait 306 €. Quand on est trois personnes, on touche 13,60 € pour les trois personnes, hein, en tout. Je suis en train de faire la calculatrice en même temps pour vous dire combien ça fait par mois. Ça fait 408 € par mois en tout pour trois personnes. Donc quand on est trois personnes, on a toujours moins que le RSA pour une personne. C'est je sais pas comment dire. Hein. C'est ouais, indécent, dit-on en studio. Quand on est quatre personnes, alors est-ce qu'à quatre personnes, on va réussir à atteindre le RSA? Ouais, à quatre personnes, on atteint le RSA. Quand on est quatre personnes, c'est 17 € par jour. Pour 4 personnes, l'allocation de demandeur d'asile, ça fait 510 € par mois. Donc on vit à 4 avec 510 € par mois. Voilà, je pense qu'on va arrêter là le... Ouais, c'est un peu indécent, on va arrêter là le décompte, hein, mais ça augmente pas beaucoup. Hein. Quand on est 5 personnes, c'est 20,40 € par jour en tout. Donc on est 5 avec 20,40 € par jour. On passe à 6 personnes, ils rajoutent 3,40 €. On passe à 23,80 € par jour. Voilà. Autant vous dire que sur la question du logement, ça augmente pas en fait. C'est 7,40 € pour tout le monde. Du coup, si on prend le dernier truc de prévu, c'est d'être 10 personnes, de toucher pour 10, 37,40 €, donc soit 3,74 € par personne par jour, hein, pour manger, se loger, etc. Et l'État, si l'État nous a pas fourni de logement, il donne toujours que 7,40 € par personne par jour, c'est-à-dire 74 centimes par jour pour se loger par personne. Voilà. Donc on voulait juste rajouter un peu ces chiffres et se rendre compte un peu... Ce que c'est la réalité des personnes qui touchent l'allocation de demandeur d'asile. Ma rage, ma peine, ma haine, ma rage, ma peine, ma haine, ma rage, ma peine, ma haine n'est pas d'être une femme. De ne pas pouvoir y agir, même quand mes doigts sont bafoués. Je reste bouche bée, toujours à l'égard. Alors que première concernée par la tradition, mes droits et devoirs sont cernés. Ma rage, ma peine, ma haine, c'est quand je vois ces gosses à l'avenir incertain. Dans la rue, trop de jeunes qui traînent, pas besoin de destin. Dans leurs yeux, que de la peine, plus de réponse certaine. Je n'ai sacrifié plus d'espoir. Je vois. je dois m'exprimer. Et hey, c'est toujours Radio Cayenne. Du coup, je venais vous redonner 2-3 autres infos au cas où vous les auriez pas eues. Comme ça, vous dire ce qui s'est passé en Libye le 3 juillet, donc il y a quelques jours. Au cas où vous auriez pas suivi, il y a eu une attaque de Tripoli par un des généraux là qui essaye de prendre le pouvoir et tout ça. Donc il a fait toute une offensive sur Tripoli et notamment des frappes aériennes. Et dans ces frappes aériennes, il y a eu un centre de migrants qui a été bombardé. Et ça a fait, 56 morts et plus d'une centaine de blessés. Voilà, et donc on en parlait il y a quelques semaines un peu de la situation des camps de migrants en Libye et des politiques européennes aussi qui font qu'en fait on ramène beaucoup plus systématiquement les gens de Méditerranée en fait, qui essayent de passer en Libye, alors que les conditions là-bas sont affreuses en fait. Et donc là, voilà, il y a un des camps de migrants qui, donc, c'est déjà des camps qui sont aberrants, en fait, dans lesquels les conditions sont affreuses, les gens sont maltraités, etc. On en avait déjà un peu parlé. Et du coup, un de ces camps a été carrément bombardé. Et selon les témoignages, les gens qui ont essayé de s'échapper pendant le bombardement, etc., se sont fait fusiller par les gardes. Enfin, c'est vraiment une situation terrible et les gens qui sont encore contrôlés, attrapés aux alentours de Tripoli et en Méditerranée sont toujours ramenés en fait dans ces camps même avec en fait les attaques et la guerre en fait qui a lieu, on continue en fait de les ramener, de les enfermer dans des camps comme ça. Donc voilà, et puis sinon, vous en avez sûrement entendu parler un peu plus encore aux actualités, c'est aussi ce qui se passe en Méditerranée, du coup toujours les ONG ou différents collectifs et associations qui s'organisent pour affréter des bateaux pour faire du sauvetage en mer et du coup récupérer des exilés qui essayent de passer et qui sont en train de se noyer. Et du coup, en les sauvant en mer, souvent, le code de la mer oblige qu'on les débarque dans un lieu sûr. Donc, a priori, pas en Libye, par exemple. Hein, voilà. Plusieurs ONG ces derniers temps ont forcé les barrages de ports tels que Lampedusa ou des ports en Italie avec la politique de Salvini qu'on connaît, dont on a déjà parlé aussi. Hein. Et donc la capitaine notamment du Sea-Watch 3, il me semble, a été arrêtée. Puis ça a fait beaucoup réagir quand même. Elle a été relaxée. Et il n'y a pas longtemps, il y a encore un autre navire qui a aussi forcé un barrage. Les migrants, une quarantaine, il me semble, ont fini par pouvoir débarquer aussi. Mais après avoir passé 48 heures en fait, sur le bateau, la plupart de la journée, du coup, en plein soleil, quasiment sans eau. Enfin, c'était vraiment des conditions très difficiles, apparemment. Ils ont pu débarquer, mais pareil, le capitaine s'est fait arrêter, le navire immobilisé. Et du coup, ça fait des mois, en fait, que ça dure, la répression sur les collectifs et les associations qui essayent de sauver des gens en mer. Et ça ne s'améliore pas, voilà, c'était juste pour dire ça. Et puis, je crois que c'est tout. Et après, je vais passer un peu à un autre sujet, vite fait. Vous lire un article au cas où vous l'auriez loupé aussi. Après, un petit morceau de musique. L'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance.